C'est l'histoire d'un mec qui marche sur les pieds de l'archiduchesse de Winchester. Oh là là, là. Alors, celui-ci lui demande immédiatement, je veux et j'exige des esquisses. Moi, j'ai rien compris. Cher Franck, cher Pilou, c'est l'histoire d'un mec qui marche sur les pieds de l'archiduchesse de Winchester. De Westchester, c'est plus difficile. Celui-ci lui dit immédiatement, je veux et exige. Avec un Z. Qu'est-ce qu'il exige ? Des esquisses. Des esquisses. Et... Oh, merde. Oh,